Chapitre 4. S'assurer une lune de miel. La tâche est délicate. Plus d'une femme intelligente n'a pas su ou n'a pas pu l'amener à bien. Juliette l'avait accompli. Il lui restait maintenant à voir quels seraient les résultats de ce tête-à-tête prolongé au milieu d'un pays désert. Il faut dire cependant que lorsqu'elle fut installée dans le chalet des Avants, elle ne se posa point tout d'abord cette question avec cette netteté, et qu'elle ne se donna point pour but d'étudier son mari. Heureuse d'avoir échappé aux ennuis d'un voyage dont les premiers pas lui avaient été pénibles, elle goûta le calme qu'elle avait pu s'assurer sans demander davantage. Et puis ce pays qu'elle ne connaissait point parlait à son âme d'artiste, et lorsque le matin qui suivit son arrivée au chalet, elle ouvrit sa fenêtre, lorsqu'elle vit le soleil levant doré de ses premiers rayons les sommets des montagnes qui l'environnaient, lorsqu'elle entendit dans les pâturages couverts d'un léger brouillard les clochettes des vaches teintées, tandis que çà et là retentissait d'écho en écho l'appel d'un berger, elle fut saisie au cœur par la poésie de cette vie pastorale qui allait être la sienne. Ces sites sauvages, ces paysages grandioses ou gracieux, il fallait les visiter et les connaître. Alors commencèrent des promenades et des excursions qui se renouvelèrent chaque jour. Elle était vaillante, elle savait marcher, et ce n'était point Adolphe qui eût osé le premier parler de fatigue. On partait au soleil levant, on allait droit devant soi où le sentier qu'on rencontrait vous conduisait, et quand on trouvait une fontaine ombragée par quelques arbres, on déjeunait sur l'herbe d'un morceau de pain et d'une tranche de viande froide, ou bien l'on entrait dans un chalet en bois quand on n'était qu'à une certaine hauteur de la montagne, en pierre sèche quand on était sur un sommet plus élevé, et l'on se faisait traire une jatte de lait par les chalettiers. Puis, quand la chaleur était trop lourde, on dormait à l'abri d'un rocher ou sous l'épais couvert d'un sapin, et quand le soleil s'abaissait, on redescendait au chalet des Avants pour dîner. Mais souvent la descente était aussi lente que l'avait été la montée, car Juliette s'arrêtait pour voir s'illuminer les sommets neigeux des montagnes à mesure que le soleil baissait. C'était un spectacle dont elle n'était jamais lasse et qui, chaque jour, la laissait plus enthousiasmée que la veille. Ceux qui ont voyagé dans ces montagnes connaissent seuls la splendeur de ces illuminations, car ce n'est ni avec des mots ni avec des couleurs qu'on peut les peindre. Et il faut avoir vu un coucher de soleil sur les neiges éternelles du Mont Blanc et des chaînes environnantes pour comprendre la magie de ce phénomène. Il y avait déjà plus de 3 semaines qu'ils habitaient leur chalet, lorsqu'un matin, Juliette, qui d'ordinaire décidait elle-même l'itinéraire, ou plus justement la direction de l'itinéraire, proposa de descendre à Montreux. C'était la première fois qu'elle manifestait le désir de se rapprocher de la vie civilisée. Aussi Adolphe laissa-t-il paraître une certaine surprise. « Ce n'est pas seulement à Montreux que je voudrais aller, » dit-elle. « À Paris, alors ?»« Oh non !» mais seulement à Vevey pour acheter des crayons, dessiner, et même peindre un peu, un tout petit peu, si tu ne le trouves pas mauvais. Non seulement je ne trouve pas l'idée mauvaise, mais encore je la trouve excellente, par cette raison que la peinture est un art qui s'exerce avec tranquillité. Certainement la vue dont on jouit du haut-là d'Andjamon est magnifique. Byron a dit qu'elle était belle comme un songe. Je suis de l'avis de Byron. Et je déclare en prose qu'une vue qui vous permet d'embrasser en même temps d'un côté le lac de Neuchâtel et les montagnes du canton de Fribourg, de l'autre le Léman et les montagnes de la Savoie, est une très belle vue. Seulement il faut y arriver, et la dernière partie de la montée est vraiment roide. En allant, ça a été assez bien. Mais en revenant, j'ai cru que je piquais une tête de 1900 mètres, c'est désagréable. Je ne m'en suis pas vanté parce qu'un homme fort ne doit pas se plaindre quand une faible femme sourit. Mais j'avoue aujourd'hui que j'ai eu un moment d'émotion. C'est pour cela que la peinture me plaît. Pendant que la faible femme travaillera, le fort homme pourra se coucher sur le ventre dans l'herbe et la regarder. Quelle honte ! Je proclame que pour moi, ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est les yeux de ma femme. Parce que la contemplation est, comme la peinture, un art qui s'exerce avec tranquillité, n'est-ce pas ? Eh bien, monsieur, si vous trouvez la tranquillité du corps, vous ne trouverez pas la tranquillité de l'esprit. À chaque instant, dans nos excursions, je vous ai demandé le nom d'une plante ou l'explication d'un phénomène, et quelquefois vous n'avez pas pu répondre. Tu peux dire presque toujours. Et il ne faut pas que cela soit. Un homme doit tout savoir. Pour répondre à sa femme ? Non, mais pour lui, pour qu'il soit supérieur à sa femme et pour que celle-ci ne demande pas à un autre ce que son mari ne peut pas dire. Aussi, en même temps que j'achèterai chez un marchand de couleurs ce qui m'est nécessaire pour travailler, tu achèteras chez un libraire les livres qui font connaître les Alpes et la Suisse. Nous rapporterons chacun nos acquisitions et demain, pendant que je ferai un croquis couché dans l'herbe, sur le ventre ou sur le dos à volonté, tu liras tes livres. Ce fut une vie nouvelle qui commença pour eux, pour Juliette, pleine d'intérêt puisqu'elle lui permettait de travailler, pour Adolphe moins rempli, mais cependant agréable, puisque pendant toutes les heures de la journée, il restait près de sa femme. Il ne faisait plus de longues courses, mais il s'en allait aux alentours de leur chalet, et pendant que Juliette faisait une étude, il se couchait près d'elle et il lisait. Mais souvent il fermait son livre, et alors, se posant sur les deux coudes, la tête appuyée dans ses mains, il la regardait. « Eh bien, disait-elle, où sommes-nous des phénomènes erratiques ?»« Ce n'est pas aux phénomènes erratiques que je pense, c'est à toi. Je te regarde, je cherche à te connaître et je t'étudie. » Ah, comme cela, en me regardant tout simplement à l'œil nu. Voilà le mal, c'est que je n'ai pas de puissant moyen d'observation pour pénétrer en toi et lire ce qu'il y a dans ton cœur et dans ton esprit, pour savoir ce qu'est la nature. Alors tu n'es pas encore avancé dans ton étude, et je suis aussi difficile à comprendre que les phénomènes erratiques. Tu es un phénomène toi-même. Quand je fixe mes yeux sur les tiens et te regarde comme tu regardais tout à l'heure, il me semble que je me penche au-dessus d'un de ces étangs qu'on rencontre dans les bois. Le paysage environnant est adorable, de la verdure, du feuillage, des fleurs. L'eau est calme et limpide, elle reflète tout ce qui l'entoure. On tâche de voir ce qu'il y a sous cette nappe tranquille, mais on ne distingue rien. La profondeur est insondable, on recule, effrayé. La comparaison est poétique, mais il faut convenir qu'elle n'est guère aimable. Perfide comme l'onde, n'est-ce pas ? Je ne dis pas cela, et je ne le pense pas. Je dis seulement que je suis un mauvais observateur et que je voudrais bien connaître celle que j'aime. Ils se trouvaient si bien dans leur chalet qu'ils y seraient sans doute restés jusqu'à la saison des neiges si Madame d'Alifard n'avait pas rappelé son fils à Paris. En apprenant qu'ils s'étaient arrêtés dans leur voyage, elle avait écrit à son fils pour lui demander l'explication de cette fantaisie. Adolphe avait répondu que se trouvant bien à Montreux, il y restait. Pendant 8 jours, Madame d'Alifard s'était contentée de cette réponse. Mais fatiguée d'adresser toujours ses lettres post-restantes à Montreux, elle était revenue à la charge. Pourquoi restait-il toujours à la même place? Pourquoi ne voyait-il pas des pays nouveaux? À quoi pouvait-il employer leur temps dans un village? Peu à peu, elle avait compris que ce village se composait de l'unique chalet habité par son fils, et alors elle avait poussé des cris d'indignation. Était-il fou? Quel plaisir pouvait-il trouver à vivre parmi les vaches? Puis, comme le délai fixé pour leur tour était passé depuis longtemps déjà, elle avait rappelé son fils à Paris. « Si tu voyageais, lui disait-elle, je ne te parlerais pas de revenir. Et si tu avais encore des villes curieuses à visiter, je trouverais tout naturel que tu voulusses les voir avant de rentrer. Il faut profiter des dépenses faites. Mais vous restez en place comme des termes, autant être à Paris. » Adolphe ne communiquait point ses lettres à sa femme, car Madame d'Alifard avait une orthographe fantaisiste qu'elle ne voulait pas que son fils fût seul à connaître. Mais s'il ne montrait point les autographes eux-mêmes, il était obligé de dire à peu près ce qu'ils contenaient. Pendant assez longtemps, il ne parla point de ses rappels. À la fin, cependant, il ne lui fut plus possible de les cacher. « Déjà, » dit Juliette. « Il y a 3 mois que nous sommes ici. Je n'ai pas compté. Il faut bien rentrer à Paris. Sans doute, il le faut. Comme tu dis cela, tu me fais peur. Que crains-tu ? Tout et rien. Ici, j'étais heureuse. Et je ne sais ce que Paris nous réserve. À Paris, ce ne sera plus la vie à deux. » Il voulut lui expliquer qu'à Paris, rien ne serait changé à leur intimité, qu'elle ne devait pas s'effrayer d'habiter sous le même toit que Madame d'Alifard, que celle-ci serait une mère pour elle et non une belle-mère. Juliette, sans répliquer, secoua la tête et demanda pour toute grâce de rester encore quelques jours aux avants, afin de pouvoir faire une étude un peu finie de leur chalet. Et dès le lendemain, elle se mit au travail. Il lui fallut 8 jours pour mener son œuvre à fin. Mais à mesure qu'elle avançait, Elle travaillait avec moins d'activité, comme si elle voulait faire durer le temps. Adolphe était dans le ravissement. « Personne ne voudra croire que nous avons passé 3 semaines dans ce désert, » dit-il. « Mais personne ne verra ce tableau. C'est pour nous deux, pour nous seuls que je l'ai peint. » Enfin, un matin de septembre, des chevaux arrivèrent pour les emmener à Montreux. « Donnez-moi les clés, » dit Adolphe quand la porte fut fermée. « Nous les remettrons au propriétaire en lui disant que nous lui rendons son chalet en bon état. » « Moi, je ne l'aurais pas rendu, » dit Juliette en regardant tristement les volets clos. « Et qu'en aurais-tu fait ?» Elle se pencha à son oreille. « Je l'aurais brûlé. »